là au fauvet tire au chabrot. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Quand ce médine bouillado n'ai jamais vu comme c'est. L'oubiau s'inventait au baissade, à pleine moeté l'appelait. Ma baille-teuil, coco fissade, le sang n'en sort à chaque. Quand te guide sous brave et biau, l'ove chanta comme une lourion. Tra la la la, tra la la la, là au fauvet tire au chabrot. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Vers au fond de l'orija de torn au cul au parmier entra. Pera, aja ou becossade, reine l'impécho dépassa. Y a vu pléja sous naguillade, maille du nové per trop força. Quand te guide sous brave et biau, l'ove chanta comme une louria. Tra la la la, tra la la la, là au fauvet tire au chabrot. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Quand yo vigue sous natella, j'ai le premier codarier mejo. Mais souvenez, perdi courage, avio trop peur de la guillot. Aurais qu'e près une pomme d'âge, ne craigne pas mon francillou. Quand l'ouvez est d'arrière sous biau, et que chante comme une louria. Tra la la la, tra la la la, va comme c'est plante au chabrot. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Les regioni bien éveillado, là y'a vu naisse vimprinte, et par la verre à la veillado, l'ougar souveignant de bien loin. Souillueil semble avant doit été là, que brille le cerf dit la nuée. Friche comme la fleur nouvelle, n'y a pas si bien au jour des nuées. Quand la nave se parmena, le monde de la guetta vient passa. Quand la posa vous louillueil sur vous, que vous fâche qu'au carré, mot gratuit. La parla avait toujours un risin, per vous faire vers sa bravade. Elle appelle les flours de blé nègre, un mouchieux se mettait de l'océgre, per lui parla d'amour, et par nympha sa dame. De mon sort, il s'est bien contento, n'aille pas besoin de votre rente. Ferai avec coquet garçon, Valère mon benassou. Pas content de quelle parole s'est dit, c'est même va au menana. Il te quitte, a dit chia ma drôle. Bella que tu regretteras. Ma comme l'amour, le rojave, le vecchi que torne un beugio. Drôle taille dit qui t'aimave, il t'aime et t'aimerai toujours. De la fille en aille bien connue,

Au revoir, à bientôt, et puis bah, à la prochaine émission. Thank you.